fils vient de passer dans l'âge du pourquoi. Pourquoi, dis-moi, papa, pourquoi, dis-moi. Pourquoi l'heure est sur une horloge, pourquoi elle tourne toujours en rond. Pourquoi, dis-moi, papa, pourquoi, dis-moi. Pourquoi les petits poissons verts, les carottes oranges et les tomates rouges. Pourquoi, dis-moi, papa, pourquoi, dis-moi. Pourquoi le bois flotte sur l'eau, mais le débat. What?